Audiomatique. pour amorcer la transmission 377 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet anglais Blue States, mené par Andy Drakasis. Nous entendions la pièce Looking Glass qui est parue sur son premier album Nothing Changes Under the Sun en 2000. Audiomatic se poursuit avec l'artiste Makaya McCraven qui nous offre sa version de la pièce Mr. Gin, originalement composée par le saxophoniste Wayne Shorter. We'll be right back. À Audiomatique, nous venons tout juste d'écouter le remix qu'offre la formation Dengue Dengue Dengue de la pièce Source, composée à l'origine par la trompettiste Nubia Garcia. Cette version se retrouve sur l'album Source We Move, qui est en fait un album de remix de pièces apparaissant sur l'album Source. Avant cela, c'était la formation Melt Yourself Down et leur pièce Fix My Life apparaissant sur l'album homonyme, qui est en fait leur premier album paru en 2013. Et on amorçait la séquence avec une pièce du tout nouvel album de Makaya McRaven intitulée Deciphering the Message et qui consiste en des reprises de pièces tirées du répertoire jazz classique. La pièce que nous avons entendue de cet album, à savoir Mr. Gin, a été composée à l'origine par Wayne Shorter et interprétée une première fois en 1966 par Art Blakey. Pour la suite d'Audiomatique, voici l'artiste américaine Danny Siciliano. I swear I don't. as your memory. Investigation all downtown trains are bypassing Times Square. Audiomatique, il s'agissait de la formation autrichienne Trio Exclusive et sa composition Hunting Doctor No, qui est parue sur son troisième et dernier album intitulé International Standards, lancé en 2005. Tout juste avant, on avait droit à la collaboration entre The Chicks on Speed et Cradler, qui nous offrait leur reprise de la chanson « Where the Wild Roses Grow », interprétée originalement par Nick Cave et Kylie Minogue. Et pour débuter, nous entendions l'artiste américaine Dani Siciliano, qui est une proche collaboratrice de Matthew Herbert, de son premier album solo intitulé « Likes », trois petits points. Nous vous présentions sa reprise de la chanson « Come As You Are », popularisée bien sûr par le défunt groupe Nirvana. Audiomatique se poursuit maintenant avec la musique du projet Idlephone de l'artiste iranien Essam Ouadi. Cette séquence audiomatique se terminait sur les sons du projet Mars Bar de l'artiste japonais Masami Akita. La composition que nous avons entendue, intitulée Tetsu's Parade, apparaît sur l'album quadruple 24 Hours A Day of Seals, paru en 2002. Avant Mars Bar, c'était le projet Idlephone et sa pièce Dead Beat, Stiff Numb Dirty Cold, qu'on retrouve sur son plus récent album Cold Stream, paru en 2021. En conclusion de cette transmission 377 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous offrir une pièce du projet allemand Clear Vision, qui est l'un des nombreux pseudonymes de Daniel Meyer. Nous entendrons sa composition Sals, tiré du seul album de Clear Vision qui a pour titre Deception et qui est sorti en 2001. L'enchaînement temporel des transmissions d'Audiomatique se poursuivra mercredi prochain dès 17h en direct du studio de CIFU 89.1 FM. Cette transmission numéro 377 sera ensuite placée en archive, celle-ci étant accessible par l'entremise de nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc Clear Vision et la pièce Sals. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Thank you. Two-Face Evil. True Evil. Who's this?